à la fuite du ghetto. C'est pas ce que tu veux toi, c'est te faire des choses, c'est zéro pas. Pour dormir dans le métro, c'est teasé. À force d'avoir marre quelque part, d'être un vrai bonheur. Pour toi être vu comme un mytho, c'est l'embrouille à la baraque. Le manque de caillasse, d'ago qui te laisse béton. Parce qu'il y a plus de quoi faire le max, c'est la crise. Un truc qui se brise dans ton ego. T'étais bien, t'étais beau. Aujourd'hui tout le monde te narque, c'est les darmes qui t'aiment pas. Le risque de te faire foutre grave. Pour un oui ou pour un non, c'est tout le monde qui t'en voudra. Ça va salir ton passé, renier tes efforts. C'est les mêmes qui mangent du porc, mais là tout le monde ils s'en foutra. Faut que ça pète dans toutes les têtes, dans tous les coins. Qu'on lève la tête pour tous nos frangins. Ceux qui craignent des caisses pour nous, qui veulent s'en sortir par tous les moyens. Faut que ça pète dans toutes les têtes, dans tous les coins. Qu'on lève la tête pour tous nos frangins. Ceux qui craignent des caisses pour nous, qui veulent s'en sortir par tous les dans moyens. Dans le ghetto y'a des bras droits, des couilles, des dépouilles, des bavards. Des couilles dans les mâchoires et des foules, des deuils qui finissent pas. De la débrouille et des fous, des bagarres. Jamais tu vois du hasard, mais que des coups, des cerveaux en forme humaine. Des dards et des jaloux quand tu t'en sors. Mais en pas tu prends la rage comme une chienne, aucune métaphore. Que tout le monde y m'a pigé, chacun sa force. J'en ai assez le corps, donc c'est la fibre saine, kérosène dans ma bouche. Je me perds dans mes couilles, après fini de tirer les feux. Ma descendance dans une rate l'oseille. Mec, si t'as niqué ta vie, mon fils niquera ta vie. Dans le même lit que j'ai pris ta chienne. Faut que ça pète dans toutes les têtes, dans tous les coins. Qu'on lève la tête pour tous nos frangins. Ceux qui craignent des caisses pour nous, qui veulent s'en sortir par tous les moyens. Faut que ça pète dans toutes les têtes, dans tous les coins. Qu'on lève la tête pour tous nos frangins. Ceux qui craignent des caisses pour nous, qui veulent s'en sortir par tous les moyens. Moi, je ne pense pas qu'il faut tout gâcher. Gros beurre noir venant du même quartier. Il suffit d'un pas pour savoir marcher. Des fois, au chaos, ça part. Des frères qui prennent de la drogue, d'autres qui font de la prod. Des criminels plus que maudits, ils veulent salir que des impropres. Des coupins, tu passes par la fenêtre du booba. Moi, je suis resté au mesoué. Bon sang du bled, des coups de balle, des graveurs de cas. Je les emmerde, les tueurs, je les emmerde. Et je demande à Allah, tout ou pas. Ça mon vieux, sache que dans ton ghetto, dans ton quartier, tes premiers supporters ils sont toujours là. Et tes premiers rageux aussi poteau. Y'a trop de haineux autour de toi. Ça la galère. Maintenant les gars avec qui tu grandis, c'est des rageux, des jaloux. Ils veulent te salir. Mais niquez vos mères, laissez les gens avancer. Avance poteau, avance. Intéresse-toi aux thunes, à la vie, à la femme, à la maille. C'est tout ce qu'il y a de vrai. Tout ce qu'il y a de vrai. Faut que ça pète dans toutes les têtes, dans tous les coins. Qu'on lève la tête pour tous nos frangins. Ceux qui craignent des caisses pour nous, qui veulent s'en sortir par tous les moyens. Faut que ça pète dans toutes les têtes, dans tous les coins. Qu'on lève la tête pour tous nos frangins. Ceux qui craignent des caisses pour nous, qui veulent s'en sortir par tous les moyens.